6% à 3 769 points. Merci Anne-Sophie Vian d'investir. Vous écoutez Radio Classique, il est 18h passé de 3 minutes et c'est l'heure de retrouver Olivier Bellamy. 18h, 19h30, Passion Classique avec Olivier Bellamy. Ludovic Thésier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des grands barytons français d'aujourd'hui, on va même enlever français. Hein? Et vous êtes la superstar de l'opéra Bastille cette année, puisque vous êtes à la fois, vous étiez dans la Bohème, dans Werther, et vous êtes en ce moment dans Don Carlo, dans ce personnage extraordinaire du marquis de Posa. Vous êtes né à Marseille, comme Régine Crespin. Oui. Dans quel quartier? Oh, je suis né pour aller vraiment de la naissance en périphérie de Marseille, mais j'ai vécu 20 ans intégralement au centre-ville, entre la préfecture et la place Castellane. Ceux qui connaissent seront de quoi je parle, c'est vraiment quasiment l'hypercentre de la ville. Il vous reste un petit accent en chantant, hein? Oui, sans doute, chantant, mais j'espère l'éviter en chantant. Enfin, j'y travaille, en tout cas. Et vous habitez en Alsace, est-ce qu'il fait pas trop froid? Non, pas du tout, parce que finalement en Alsace, on se couvre et il y a matière à se réchauffer. Si on voit un petit peu la carte du guide Michelin en matière de restaurant, je crois qu'il y a pas mal de choses pour passer des longues soirées d'hiver. Non, puis c'est une région qui compense la météo par la chaleur des gens qui l'habitent. Et je m'y sens comme un poisson dans l'eau fraîche, mais dans l'eau quand même. Ludovic Thésier, vous n'avez pas voulu commencer par vous. Vous m'avez dit, je déteste m'entendre. Donc on profitera d'un moment d'inattention tout à l'heure pour passer du Ludovic Thésier pour les auditeurs, pour ravir les auditeurs. Mais pour l'instant, ça commence avec la valse triste de Sibelius. On l'écoute et vous nous dites après pourquoi. La valse triste de Sibelius, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Il y en a une pensée évidemment pour Michel Glotz, hein, qui a été son agent, grand agent, agent de Maria Callas aussi, et grand producteur de disques, et qui vient de nous quitter. Alors, Ludovic Tézier, je vous sens totalement fasciné par l'art de Karajan. Ah oui, absolument, absolument. Je crois que c'est ce qu'on vient d'entendre est assez exemplaire de ce qu'a fait ce chef durant toute sa carrière, avec plus ou moins de bonheur, mais ça, j'allais dire que c'est l'histoire de tous les artistes. Mais en attendant, j'allais dire, cette espèce de méthode quasiment appliquée à chaque œuvre qu'il aura pu diriger, d'amener l'auditeur à venir dans sa propre vision et dans le monde qui l'ouvre, dans la fenêtre qui l'ouvre à chaque fois qu'il débute un morceau. J'ai donc dans l'oreille évidemment ce qu'on vient d'entendre. Je pense aussi à la version de la 7e de Beethoven enregistrée dans les années 60, dans cette intégrale sublime qui l'aura dirigée enregistrée dans les années 60, avec ce deuxième mouvement où dès le premier accord on est dans quelque chose d'extrêmement dramatique, d'extrêmement envoûtant et qui appelle à l'écoute et qui nous amène à aller non pas écouter finalement la musique se dérouler mais qui nous amène à la voir se dérouler et avoir envie de d'entendre la suite finalement comme un gamin à qui un parent raconte une histoire et qui demande et après qu'est-ce qui se passe. Et globalement chez les grands chefs d'orchestre, ce que j'apprécie énormément, c'est cette capacité d'avoir une vision d'une œuvre, une vision cohérente d'une œuvre, de ne pas arriver simplement avec une partition parfaitement connue sous le bras et de dérouler les 3-4, les 4-4 et que sais-je encore de manière parfaite, mais finalement sans direction. À partir de quel moment, Ludovic Tézier, est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la musique classique? Donc, vous avez grandi à Marseille, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'était un ami qui vous l'a fait découvrir? Est-ce que c'est par la radio? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que dans votre famille, on écoutait beaucoup de musique classique? Oui, c'était à la maison, hein. J'ai un paternel qui m'a mis le pied à l'étrier extrêmement tôt. Et finalement, en me faisant écouter pas mal de musique classique, tout simplement parce qu'on en écoutait, on baignait, j'allais dire, que ce soit dans l'opéra, dans la musique classique, mais aussi dans la variété de qualité qu'on pouvait entendre à l'époque. Mais pour ce qui concerne et ce qui concernait les moments où nous écoutions de la musique classique, en ayant toujours soin de m'expliquer ce que j'étais en train d'écouter, non pas du point de vue d'ailleurs musicologique, absolument pas, parce que lui-même n'était pas du tout instrumentiste ou autre, mais par contre... Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Oh, il est passé par tous les métiers. il est passé par tous les métiers. Il a commencé, comme on pouvait le faire à l'époque, à l'âge de 14 ans, à sortir des pains brûlants des fourneaux d'une boulangerie à Marseille. Et il a fini au métro de Marseille, hein, travaillant au métro de Marseille, chef de service, enfin quelque chose comme ça, donc... Je suis assez fier de ce qu'il a pu faire. Je crois qu'il a passé un bac scientifique à l'âge de 36 ans, c'est pas mal. C'est avec mention, c'est pas mal. Et donc, ce bonhomme-là me racontait en fait la musique. Il me transmettait les images finalement que la musique, et notamment la musique romantique, faisait naître dans sa tête. Et il me faisait rêver finalement en écoutant la musique. Donc c'est formidable, ça a été une ouverture, une approche de la musique extrêmement impressionniste, j'allais dire, mais c'était génial. Vous savez, Ludovic Tézier, l'autre chanteur qui était à ce micro et qui m'a parlé de son père, lui parlant de la musique quand il était enfant, exactement comme vous venez de m'en parler, c'est Teresa Berganza. Ben c'est pas mal. C'est pas mal, hein. c'est pas mal, ouais. Ouais. C'est une chanteuse absolument magnifique, tout le monde s'extasie sur le timbre de la voix, sur la ligne de chant. Mais si on écoute bien, ce sont des gens, Teresa et quelques autres, qui, à l'écoute, font éclore des images, font éclore des ambiances, font éclore des couleurs. Et ça vient peut-être de ça, finalement. Ludovic Tézier, on va se séparer pour une courte page de publicité, mais on se retrouve très très vite pour la séquence de vos petites madeleines. À la Nice, évidemment, puisque... Sans doute. Hein. La formation professionnelle avec AGFOS PME, racontée par des chefs d'entreprise. Christine, chef d'entreprise dans le Sud. AGFOS PME finance les projets formation de ma PME. Et ça marche. Rémi, DRH dans le Centre. La formation développe vraiment les compétences de mes salariés. Laurent, dirigeant d'une TPE dans l'Est. Dans ma branche pro, on fait tous confiance à AGFOS PME pour simplifier la formation. AGFOS PME, votre conseiller emploi formation professionnelle partout en France. AGFOS-PME.com. Hubert Tassin, directeur de la rédaction d'Investir. La bourse reprend confiance. Pourquoi ? Notre analyse du retour à la sérénité après la crise grecque. BNP Paribas et la Société Générale ont publié les comptes 2009, la nouvelle donne pour leurs actionnaires. Trois grands patrons jugent la conjoncture. Interview de ceux de Pernod Ricard, Atos Origine et Lafarge. Investir Hebdo, 4 euros chez votre marchand de journaux. À présent, vous allez tester l'effet Cortal Consorce sur votre épargne. Cortal Consors vous offre jusqu'à 10 Napoléons en or pour tout premier investissement ou transfert de portefeuille. Le retour sur investissement immédiat, c'est ça, l'effet Cortal Consors. Offre valable jusqu'au 30 avril 2010. Conditions détaillées sur cortalconsors.fr ou appelez le 0800 10 15 20. Appel gratuit depuis un poste fixe. Cortal Consors, élu meilleur courtier en ligne 2010 par les lecteurs de Money Week. C'est aussi ça, l'effet Cortal Consors. Quand le rideau se lève, un coffret réunit les grands airs de plus de 50 opéras, déjà célèbres ou à découvrir, chantés par toutes les voix de légende. Alagna, Pavarotti, Domingo, Callas, Fleming, Caballé, Price et beaucoup d'autres. Le plus bel opéra du monde est dans un coffret. Quand le rideau se lève, chez Sony Classical. Célébrez l'année Chopin et retrouvez la sélection des disquaires de la Fnac à prix vert du 17 février au 22 mars dans les magasins et sur Fnac.com. Fnac, agitateur de curiosité. La suppression de la taxe professionnelle, ça change quoi pour vous ? Aujourd'hui, nous recevons Patrick, qui dirige une imprimerie. C'est une bonne mesure dans le sens où ça va nous permettre d'effectuer certains travaux dans nos bâtiments, d'employer et de faire travailler un peintre, un plombier, et donc tout le monde sera gagnant, ne serait-ce que dans la commune où je suis. J'ai lu qu'un système de calculette sur Internet va nous permettre, si vous voulez, de vérifier l'impact de l'économie que nous allons réaliser. Il faut tout faire pour la reprise. Alléger les charges des entreprises qui choisissent d'investir en France, c'est agir pour la croissance et pour l'emploi. Rendez-vous sur economie.gouv.fr. Ceci est un message du ministère de l'Économie. Restez avec nous pour la suite de votre émission sur Radio Classique. Pourquoi Auchan a créé le discounter responsable ? Bonne raison numéro 15. Parce que Sophie croit aux gestes du quotidien pour mieux préserver la planète. Et des gestes, elle en fait. Si elle pouvait, elle en ferait plus encore. Alors Auchan a créé la gamme d'entretien Mieux Vivre Environnement. Des produits plus écologiques à des prix discount pour entretenir toute la maison. Ainsi, Sophie a pu remplacer ses sacs poubelles ordinaires par des sacs 100% recyclés ou compostables. Faire des efforts pour la planète, parfois ce n'est pas si difficile. Et parfois, ça l'est un peu plus quand même. C'est ça, le discount responsable par Auchan. Vous aidez à vivre mieux et moins cher. À très bientôt pour une autre bonne raison. Auchan, vivons mieux, vivons moins cher. Classique. Classique. Classique. Classique. Radio Classique. 18h-19h30, Passion Classique avec Olivier Bellamy. Et nous sommes toujours avec Ludovic Thésier ce soir dans Passion Classique qui nous fait la joie d'être là en direct. Alors Ludovic Thésier, est-ce que vous considérez que c'était une chance pour vous d'avoir eu ce papa qui vous a ouvert les portes de la musique Mais vous me le disiez à micro fermé, qui vous a vraiment entraîné dans ce que la musique a de plus essentiel, de plus beau. Oui, et oui, bien sûr que c'est une chance. Du reste, j'en vis et j'en jouis aujourd'hui encore, puisque je prends toujours énormément de plaisir. Le plaisir est un mot extrêmement faible à écouter de grandes interprétations, des grandes pages de musique. C'est quelque chose qui m'accompagne, c'est un oxygène, c'est absolument nécessaire pour moi. Et il m'aura ouvert les portes de cette musique de manière merveilleuse, comme je disais il y a quelques instants, en me racontant la musique, et non pas en me l'enseignant. Ouais. De manière d'ailleurs assez étrange, je n'ai jamais fait d'instrument, je n'ai pas été au conservatoire, je n'ai jamais été inscrit en classe de musique. Donc ce n'était pas quelque chose, j'allais dire, à la maison qui faisait partie de l'éducation au sens simple et un peu bête parfois qu'on peut avoir. Non, c'était simplement que la musique était nécessaire comme une nourriture, comme quelque chose de l'ordre de la vie. C'était très important. Et dans ce sens-là, c'était une grande chance d'avoir été effectivement initié à la musique et initié, je pense, de cette manière-là. Est-ce qu'il a été fier de vous quand il vous a vu la première fois sur scène? Non, il a été critique la première fois. Il m'a vu sur scène, évidemment, qu'il a été fier. Mais ça, je ne l'ai appris qu'après, puisque papa est décédé il y a 10 ans. Et pour en avoir parlé, et en parler encore avec ma mère, en ce moment, je sais que la première fois où il m'a entendu sur scène, ça a été un choc. Ils n'en sont pas revenus, ils s'en sont pas remis pendant plus d'une semaine. Tout simplement parce que je ne leur avais jamais annoncé que j'étudiais le chant en parallèle de mes études d'économie. Bon. Donc un jour, je leur ai dit, ben voilà, je chante un concert ce soir dans telle institution. Donc ils m'ont dit, tu plaisantes? Et je dis, non, non. Donc ils sont venus m'écouter, j'avais chanté un petit duo avec une soprano, un petit air, et ils étaient complètement estomaqués. Et, non, fier, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais en même temps, très perfectionniste et pas un public facile du tout. Ouais. Papa était pas un, non, il était très critique finalement, mais avait de très bonnes oreilles. Ouais. Très très bonnes oreilles. Finalement, à la réécoute de certaines choses que j'ai pu enregistrer par le passé, et disons, à propos desquels il aura émis quelques critiques, je trouve qu'il avait beaucoup de bon sens. Oui. Ça me fait penser à Pavarotti. Son papa aussi était toujours très critique. C'est pas mal, la bohème, mais c'était mieux avec Gigli, ou c'était mieux. Ah oui. Moi, j'avais pas la comparaison avec d'autres, encore que je me souviens qu'il m'avait fait écouter un air du Comte extraordinaire avec Gabriel Baquier. Et il m'avait dit, tu vois, j'aime bien comme tu chantes le Comte, mais écoute comme chante Baquier. Le chante. Ah. Et c'était drôlement bien comme critique, parce qu'effectivement, Baquier ne se contente pas de mettre le caractère et les mots dans cet air, mais en plus il le chante, en plus il a du legato. Vous voyez que c'est quand même une critique intéressante, parce que ça m'a forcément, et ça je parle de ça, cette remarque a peut-être eu lieu il y a 15 ans, mais ça me reste, parce que c'est un excellent conseil, en fait. C'est un conseil de très bons coachs, aujourd'hui, qu'on va payer une fortune par ailleurs. Non, c'était des moments formidables de partage extraordinaire. Ouais. Ludovic Tézier, voici maintenant votre première petite madeleine musicale. Des plus beaux duos d'amour avec bariton, c'est rare hein, de l'amour partagé sur scène. C'est vrai. Bariton et une chanteuse, c'est évidemment la Cidarem Lamano entre Don Giovanni et le nom Zerline, voilà, oui. Dans le Don Giovanni de Mozart. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que cela vous rappelle? Trois choses. Don Juan est le premier véritable rôle et grand rôle que j'ai pu donné, abordé sur scène, à l'époque en troupe au théâtre de Lucerne. Oui. Belle ville, hein, Lucerne. Très belle ville, et très inspirante, très propice à la méditation et à... Alors, c'était une expérience formidable. Je vais avoir 23 ans, donc c'était une éclosion au professionnalisme d'abord, en matière de chant. Et à l'étranger aussi, parce qu'à Lucerne, on est vraiment à l'étranger, c'est la Suisse allemande, et en même temps, on est très bienvenu. Surtout quand on est un petit Marseillais. Oui, c'était très étonnant. Enfin, je veux dire, c'est les antipodes, manière de vivre, enfin, tout ça, la culture, mais c'était vraiment très, très, très, très enrichissant. Donc, c'est le premier grand rôle, donc, que j'ai abordé. Et finalement, à bien y réfléchir, voyez, on réalise des choses sur le plateau. Lorsque je disais tout à l'heure que mes parents avaient été choqués de m'entendre pour la première fois, le premier duo que j'ai chanté était celui-là, avec cette soprano. La première fois où j'ai... Et tout ça est véridique. Hein, la première fois donc, où j'ai vraiment chanté un grand rôle, le premier rôle finalement d'un opéra devant mes parents, c'était le rôle de Don Juan. La dernière fois où j'ai chanté devant mon père, c'était le rôle de Don Juan. Il est décédé quelques jours après. Et ce duo-là m'a permis de rencontrer la femme qui partage ma vie, qui m'a donné un fils l'été dernier. Et je n'ai chanté que 3 fois Don Juan. Donc si vous faites le compte, à chaque fois que j'ai chanté Don Juan, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Donc c'est évidemment quelque chose de très particulier, cet opéra et ce personnage pour moi. Espérons que la 4e fois soit une fois heureuse. Oui, bien sûr. Cela dit, la 3e a été heureuse, puisque j'ai rencontré Cassandre, qui partage ma vie aujourd'hui. Mais ça n'a jamais été anodin. C'est très curieux, mais c'est tout à fait authentique. C'est un opéra, on dit souvent, maudit pour les metteurs en scène. C'est très difficile de mettre en scène Don Juan. C'est un peu, entre guillemets, casse-gueule. Mm-hmm. Et pour les chanteurs? Exactement la même chose. Le problème de Don Juan, c'est que le Don Juan n'appartient ni au metteur en scène, ni à son interprète. Il appartient au public. C'est un... Finalement, on est une espèce avec un X, ouais. Oui, mais chaque... C'est tout le problème de ces mythes, en fait. Chaque personne qui vient voir Don Juan attend quelque chose de particulier, même en essayant de rester le plus neutre possible, envisage déjà le rôle d'une manière particulière. Et si on n'a pas l'heure de correspondre à cette vision-là, on est susceptible de décevoir. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça a autant de facettes que d'être humain, ce personnage-là. Ouais, ouais. C'est extraordinaire. C'est d'où la dimension mythique. On n'en fait jamais le tour. Jamais, jamais. Ludovic Tézier, voici maintenant votre 2e petite madeleine musicale. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. Les marquises de Jacques Brel, son disque testament, il était parti dans les îles Marquises, hein, après une douloureuse maladie, comme on dit, et puis d'ailleurs c'est là-bas qu'il est enterré aux côtés de Paul Gauguin. Oui c'est les Marquises, pour ne pas dire toute l'œuvre du bonhomme. C'est extraordinaire, j'ai appris encore récemment, je suis très très passionné de Jacques Brel, là aussi une passion transmise par le père. J'ai appris qu'il n'y a eu qu'une prise en fait des Marquises, parce qu'il était tellement épuisé lors de cette prise là que l'ingénieur du son, qui était content de la première prise mais qui voulait peut-être perfectionner sa prise de son, lorsqu'il lui a demandé Jacques, est-ce qu'on pourrait faire ça une deuxième fois, Brel lui aurait dit, et pourquoi n'était pas bien, si très bien Jacques, alors ce sera la dernière. Donc c'est vraiment un chant du cygne, pour le coup, cette affaire-là. Et c'est extrêmement testamentaire dans la vision de voir les choses. Il y a une transmission, il y a un apaisement d'abord. Une chanson extrêmement apaisée, apaisante et méditative. Et une chanson d'un être humain qui se bat jusqu'au bout pour dire des choses. Et je trouve ça très très beau. Et puis en plus, Brel, c'est une carrière de baryton. Il a mis des années à être reconnu. C'est quelqu'un qui défend des textes quand il ne les écrit pas. Évidemment, il écrivait ses textes, mais il a une manière de les dire, de les défendre, qui me touche beaucoup et qu'on doit retrouver même dans le lyrique. Donc, c'est une véritable madeleine, oui, absolument. Il était habité par le personnage de Don Quichotte aussi. Complètement. Et finalement, voilà, c'est le dernier moulin auquel il se sera attaqué. Cette affaire-là, c'est la mort qu'il savait très proche. Il est mort très peu de temps après cet enregistrement-là. Mais meurt debout, comme il a pu dire par ailleurs dans une de ses chansons. Serait-il impossible de vivre debout? Ben lui, il est mort debout. Et c'est beau, mais en même temps avec une espèce de paix, de vision extrêmement lointaine et lucide, sans pour autant être cynique, ce qu'il aura pu être parfois hein, par le passé. Là non, on a quelqu'un qui est, je crois qu'il est en règle avec lui-même, c'est beau. Ludovic Tézier, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale, on retourne vers l'opéra. En fermant les yeux, je vois là-bas une noble retraite, une maisonnette toute blanche au fond des bois. Sous cette roche, le songe de Desgrieux, un extrait de Manon de Massenet. Manon est en larmes, Desgrieux s'approche, hein, il la console. C'est une scène extrêmement touchante, mais qui vous rappelle quoi, Ludovic Tézier? Ah ben, quand j'entends ça, je dis c'est beau le chant quand même. Dans cette interprétation-là, où pas un son n'est lâché, tout est parfaitement fait. Mais pas froid du tout, extrêmement incarné, extrêmement juste, le timbre est beau, on perd pas une syllabe, on perd pas une virgule. André Darcor. Ben oui, André Darcor, encore un Belge finalement, comme Brel, et avec un français merveilleux, un goût extraordinaire, une couleur de voix. Et somme toute extrêmement moderne. Évidemment, on peut dire que la diction, mais la manière de dire les choses est datée par son époque. J'imagine qu'on trouvera, en nous entendant dans quelques dizaines d'années, qu'on avait une manière de parler un peu bizarre. En attendant, le propos, la ligne, encore une fois, la direction de ce que fait ce chanteur-là est extrêmement moderne, parce qu'on n'est pas en train d'aboyer sa voix, on n'est pas en train de faire des effets de cap ou avec des grands fortés ou des non. Ou des pianis exagérés, non, on est dans quelque chose d'extrêmement simple. De même d'ailleurs que la direction d'orchestre qui est extrêmement pure, lumineuse. En fermant les yeux, je vois là-bas et il nous fait voir, quoi. Il nous fait monter une atmosphère, c'est formidable. Massenet a mauvaise presse en France. Les Américains l'adorent. Oui. Le monde entier nous l'envie, c'est oui. La formule consacrée. Et nous en France, on le trouve un peu mièvre. Comme on trouve mièvre ou pas très excitant tout ce qui est made in France finalement. On n'a quand même pas une énorme propension à l'autosatisfaction dans ce pays-là, ou alors c'est par bravade lorsqu'on est attaqué de l'étranger. Je trouve que Massenet a l'art de toucher avec des choses simples. Il n'y a pas de concept dans Massenet. Le pendant de cette ère-là, l'ère de Manon, adieu notre petite table, oui. C'est oui, évidemment, on n'est pas en train d'invoquer les dieux, ou que ce soit germanique ou du panthéon romain, mais on parle d'une petite table, mais qui veut dire tellement de choses pour cette femme qui chante, et c'est fait avec une modestie, avec quelque chose d'extraordinaire, et si on respecte cette modestie de l'œuvre même, cette manière de dire les choses extrêmement simples, extrêmement claires et douces. Je trouve qu'on obtient des moments de magie sur scène, des moments où on crée le silence dans une grande salle. Et ce sont des moments de suspension du temps. Et c'est formidable. On sent, Ludovic Tézier, que vous avez gardé un goût pour les choses simples, authentiques. Pas de tralala, pas de blabla, pas de grandes phrases. Mais vous savez, si à un moment donné, pour atteindre au cœur des choses, il faut absolument passer par le décorum, c'est un petit peu ennuyeux. Je trouve que la vérité des choses est souvent très simple, pas simpliste du tout, mais très simple, très pure en tout cas. Et c'est un petit peu dommage qu'il faille mettre un masque pour sourire, quoi. Et à un moment donné, un sourire est juste, il n'est pas exagéré, il n'est pas, ça signifie ce que ça doit signifier, on n'est pas obligé de surjouer quoi que ce soit. Et Massenet est un très grand compositeur en la matière. On va écouter un petit peu de musique. Vous avez choisi de partager avec les auditeurs de Radio Classique « Souvenir d'un lieu cher ». Méditation, alors ça va tout à fait bien avec notre conversation à l'endroit où on est arrivé, de Tchaïkovski, et entre les deux versions que nous avions en magasin, celle de Nathan Milstein et celle de David Oistrakh, eh bien vous avez choisi celle de David Oistrakh. D'un lieu cher, la méditation de Tchaïkovski, cette méditation que Tchaïkovski voulait mettre dans son concerto de violon hein, avant qu'il ne trouve cette canzonetta, et donc il a finalement mis cette page à part hein, qu'il a dédiée à Madame von Meck, cette fameuse bienfaitrice qu'il n'a jamais rencontrée, hein, voilà, qui était comme ça, qui était fascinée par c'est très étrange hein, cette histoire hein, de fascination comme ça. Mais qu'est-ce que cela vous inspire, Ludovic Tézier, le chant de David Oistrakh? Oh, le chant des violonistes et des grands violonistes en général. C'est pour moi le premier instrument bien avant le piano qui est venu plus tard à m'avoir touché de manière extrêmement forte et intime. Plus que le violoncelle qui est plus proche de votre registre. Oui, c'est vrai, mais beaucoup plus. Oui. Absolument. Le violon a toujours été quelque chose de... ça m'a suivi depuis toujours et j'ai une fascination, mais presque de midinette pour... pour tous les grands violonistes, leurs interprétations. Je crois que je vais avoir plus de disques de violonistes à la maison que de disques d'opéra, finalement. C'est une vraie passion. Ouais, c'est un instrument qu'on a très près de, oui, de la gorge, vocales, des gorge. Cordes vocales. Ouais, ouais. Tout à fait. J'ai, de manière extrêmement maladroite, mais déjà mis, aimé de temps en temps un violon à l'épaule, et la sensation est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'un chanteur, je crois me souvenir que c'est Walter Ledge, hein, le mari d'Elisabeth Schwarzkopf, oui, lui faisait écouter des disques de Fritz Kreisler, ce grand, oui, violoniste, oui, autrichien, oui, pour qu'elle comprenne, pour qu'elle améliore son legato, comme ça. Est-ce qu'un chanteur, tel que vous, Ludovic Tézier, peut apprendre en écoutant un violoniste? Ah oui, je pense, bien sûr. De la même manière, du reste, qu'un violoniste peut apprendre de chanteur, oui, aussi. Parce que, parfois, et c'est ce que j'entends assez souvent ces derniers temps, j'entends des violonistes qui ont des niveaux des niveaux techniques absolument phénoménaux, mais qui ne chantent guère, finalement. Mais si on écoute Kreisler ou des grands anciens, on peut s'apercevoir, de même d'ailleurs que parmi les grands pianistes d'autrefois, on peut s'apercevoir qu'il y a des défauts, des notes un petit peu à côté ou autres, mais ils ne perdent jamais, jamais, jamais le contact avec le chant, pour ne pas dire avec la musique, parce que finalement, c'est extrêmement lié, tout ça. Donc oui, je pense que un monde peut inspirer l'autre. Et vous, sur scène, Ludovic Tézier, en incarnant un personnage, vous ne perdez jamais non plus cette ligne qui conduit le chant, toujours? Non, puisque finalement le chant, c'est un peu, avec du reste l'orchestre qui le supporte, c'est un petit peu de l'âme et des états d'âme du personnage qu'on interprète. Si on perd le chant, on perd beaucoup de la richesse de ce qu'aura voulu rendre du personnage un Verdi, un Wagner ou un Massenet. Donc je crois qu'il faut être extrêmement respectueux de la musique et du chant. C'est un cadeau quand même que de pouvoir défendre de tels compositeurs, donc il faut leur rendre un peu justice. Ludovic Tézier, on va se séparer pour une courte page de publicité. Je dis toujours courte parce que je suis optimiste. Et on se retrouve très très vite pour la suite de votre programme. Tous les matins, vous êtes bien sur Radio Classique. Cinq heures, 7 heures, un réveil en musique avec Denisa Kershova. Pour tous les lève-tôt, je propose un programme musical de 2 heures pour un réveil tout en douceur. Sept heures, 8 heures, le grand journal de l'économie avec Nicolas Pierron. Tous les matins, prenez le pouls de l'économie avec la revue de presse de Philippe Perrier, les échos de l'étranger, la bourse avec Investir, mais aussi des interviews, grands patrons, chefs d'entreprise, décideurs et hommes de conseil. Ils commencent tous leur journée au micro de Radio Classique. 8h, 10h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Dès 8h, Marie-Hélène Duvigneau fait un point sur l'actualité. À 8h30, je reçois un responsable politique, homme ou femme, une personnalité qui se trouve au cœur de l'actualité, les stars de l'actualité. 8h45, Evre Djeri qui me rejoint pour une histoire passionnante sur la musique classique, suivie de sa discothèque idéale. 9h15, place à la culture, acteurs, réalisateurs, écrivains, musiciens répondent à mes questions, à vos questions, sur Radio Classique pour cette matinale Info et Culture. Tous les matins, vie moderne, Radio Classique. La crise, tout le monde ne parle que de ça. Ah, c'est clair. Eh ben, tu sais, moi, je suis déjà dans la reprise. Avec le concours d'AGFOS PME, je viens d'embaucher 2 jeunes en contrat de professionnalisation. Un contrat de professionnalisation, c'est bien ça. Ah oui, grâce au conseiller AGFOS PME, premier fonds d'assurance formation, je suis au courant de toutes les aides pour embaucher et trouver le contrat pro qu'il me faut. Avec AGFOS PME, cultivez aujourd'hui vos talents de demain. Plus d'infos sur le site agfos-pme.com. Bon anniversaire, Monsieur Chopin. Fêtez les 200 ans de la naissance de Frédéric Chopin avec un week-end musical inédit. 10 récitals gratuits, 15 heures de musique romantique, 60 pianistes de toutes générations réunis pour interpréter l'intégrale pour piano de Chopin au Tarmac de Châteauroux le 27 février et à la salle Pleyel à Paris le dimanche 28 février. L'entrée vous est offerte par les pianos Pleyel, la société Chopin à Paris, Musique au pays de Georges Sand et la ville de Châteauroux avec le soutien de la Fondation Pleyel. Renseignements sur bonanniversairemonsieurchopin.fr. Classique. Classique. Classique. Classique. Radio Classique. 18h-19h30, Passion Classique avec Olivier Bellamy. Merci Ludovic Tézier d'être là ce soir en direct dans Passion Classique. On imagine toujours les Marseillais faisant des grands gestes, comme ça, voilà, parlant, se vantant exagérément, la fameuse sardine dans le port de Marseille. Qui est une vérité. Qui est une vérité, c'est un bateau, oui, c'est ça? Oui, absolument, qui a obstrué le port pendant des années, ça empêchait le commerce dans le vieux port, voilà, qu'on se le dise. Et alors que, sur scène, vous êtes plutôt sobre, intérieur, et dans la vie pareil. Je me demandais, est-ce que, quand vous étiez petit, vous étiez déjà ce petit garçon ouvert sur le monde, mais sans être exagérément extraverti, ou c'est en commençant à travailler le chant que vous êtes discipliné? Les deux, mon capitaine. Non, effectivement, je n'étais pas un petit garçon extrêmement extraverti, ce qui n'est pas allé d'ailleurs sans me poser des problèmes dans la ville de l'extraversion, finalement, parce que j'étais un petit peu renfermé, un petit peu bizarre comme enfant pour les autres. Mais ça s'est bien arrangé ou mal selon ce qu'on veut y voir lors de l'adolescence. Mais par contre, oui, pour ce qui est de la scène, c'est un choix. C'est un choix que j'assume, qui n'a pas toujours plu, qui ne plaît pas toujours, mais je trouve finalement que trop en faire, c'est déjà trop, et trop, c'est péjoratif. Trop beau, c'est plus très beau. Donc oui, j'ai tendance, plutôt que de mal faire, à essayer d'en faire peu, pas moins, mais peu, mais plutôt de me concentrer sur ce que, qu'à mon sens, après un prenant des options qui ne sont peut-être pas toujours, ou en tous les cas qui peuvent être contestées, parce que j'accepte, d'essayer de trouver ce qui fait que tel personnage est sur scène et qu'il dit ce qu'il est en train de dire et qu'il ressent ce qu'il est en train de ressentir. Et c'est vrai que mes personnages, la plupart du temps, ne sont pas des personnages qui sont extrêmement brillants en société, j'allais dire, ou qui sont extrêmement expansifs. Sont plutôt soit des méchants, soit des souffrants, mais des souffrants qui sont... Pensez par exemple au frère de Lucia, qui finalement est un type qui est écrasé par le fardeau de l'hérédité et des fardeaux politiques, et qui finalement le rend extrêmement paranoïaque et qui a une souffrance extérieure extrêmement forte et qui ne se projette pas forcément avec des grands gestes qui à mon avis devrait un petit peu disparaître du registre des gestes des chanteurs, si vous voyez ce à quoi je fais référence. Bon, on a pu me le reprocher. On peut contester un choix. C'est un choix. Je l'assume. Je trouve qu'à un moment donné, les choses doivent passer par autre chose que par des déplacements dans tous les sens ou des choses extrêmement extravagantes. Il y a une élégance aussi qu'on retrouve dans vos goûts, puisque là on va écouter Léonide Kogan, encore un violoniste, et ici dans le concerto pour violon de Beethoven, on va l'écouter ensemble, et après vous allez nous dire ce qu'est pour vous Léonide Kogan. Thank you. extraordinaire violoniste Leonid Kogan et extraordinaire orchestre aussi, l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, un orchestre français dirigé par André van der Noot. Et c'est d'ailleurs un Français qui avait décelé, enfin bon, dès l'âge de 10 ans, le petit Ukrainien qui était Leonid Kogan est monté à Moscou et était déjà considéré comme un génie. Mais c'est Jacques Thibault, le grand violoniste français, qui lui avait prédit un grand avenir. Il ne s'est pas trompé. C'est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. C'est évidemment un super soliste. C'est aussi un chambriste accompli. Qui se commettait en duo avec sa femme d'ailleurs. Ouais. Et c'est remarquable. Sa femme qui était là. Leclerc avec sa femme, qui sont extraordinaires, qui est une très très bonne violiste, qui était la fille d'Émile Guilhels. Voilà. Des bons gènes, des bons gènes qui étaient dans le sang. Ouais. Et ça fait des duos formidables. Et je trouve qu'on retrouve d'ailleurs dans sa manière de jouer, même en solo, quelque chose d'extrêmement chambriste. On entend que ça converse et que ça concerte finalement extraordinairement bien avec l'orchestre. Et, c'est l'essence même de la musique. Quand j'entends ça, c'est un discours. C'est un excellent chanteur en fait. Simplement, il a quatre cordes vocales et un archer pour jouer avec. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est important, Ludovic Tézier, justement, quand on est sur scène, de dialoguer sans cesse, d'être toujours avec ses partenaires, de pas être dans sa bulle, mais de d'être comme ça. Oui, et de, j'allais dire de manière musicale et de manière aussi dramatique. C'est extrêmement gênant lorsqu'on joue avec un partenaire qui a les yeux toujours de côté pour regarder dans la fosse l'abattu chef d'orchestre qui s'adresse à vous en regardant à côté. C'est très très perturbant ça. Et musicalement, finalement, c'est la même chose. En général, du reste, les gens qui ne regardent pas vraiment leur partenaire en scène chantent relativement peu avec eux aussi. Ouais. Ça fait pas de très très bonnes choses à la fin. D'où vient votre amour pour les musiciens russes et pour la musique russe? Parce que là, dans ce programme, ils sont extrêmement présents. On va entendre un bout de Rachmaninov, oui, par Richter. C'est vrai. C'est un hasard? Non, sans doute dû déjà à ma passion et pour la musique romantique. Et les Russes ont quand même pas mal donné à la matière, pas mal de chefs-d'œuvre. Et j'ai, je dois dire, c'est vrai, une certaine fascination pour la Russie d'avant la Révolution. Et l'âme russe en général qui a traversé la révolution et les guerres et qu'on entend chez Kogan par exemple et chez Richter qui on entend cette âme gigantesque et il y a tellement de choses à exprimer de la part de ces gens et qui passent à travers leur instrument et leur musicalité, donc c'est des choses qui me touchent. Et vous chantez en russe? Oui, ça m'arrive, ça va m'arriver l'année prochaine encore. Et même un peu avant à Barcelone, dans Dame de Pique ou dans Jeanne Onegin. Et ça, c'est un grand plaisir. Ça, de gagner de haute lutte, parce que se mettre au russe à 35 ans, ça n'a pas été simple. Mais bon. Mais comme votre père, comme votre bon sort, vous serez mentir. Oui, finalement. Mais c'est extraordinaire. C'est une langue terrible et extraordinaire. Thank you. c'est le choix de Ludovic Tézier. C'est le premier mouvement, un tout petit bout, puisque Béatrice Médine vient d'entrer dans le studio et l'actualité a la parole dans très peu de temps. Un extrait donc du deuxième concerto pour piano orchestre de Rachmaninov par Sviatoslav Richter avec l'orchestre philharmonique de Varsovie dirigé par Stanislav Wysloki. Chanter avec son piano, c'est presque encore plus beau qu'avec le violon, c'est encore plus difficile. C'est très très difficile, ouais. Très très difficile, mais quand c'est comme ça, c'est sublime. Alors, on va pas demander à Béatrice Médine de chanter, simplement de nous lire les nouvelles du jour qu'elle nous a concoctées. Il est 19h à la pendule de Radio Classique. Le Flash avec Béatrice Médine. Et le travail va reprendre sur le site Philips de Dreux. Le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné dans un jugement référé à la reprise du travail et la suspension du projet de licenciement collectif. Le tribunal ordonne la reprise du travail sous peine d'une astreinte de 25 000 euros par jour pour Philips et exige une meilleure consultation des représentants du personnel sur le projet de fermeture du site où travaillent 212 salariés. La direction de Total a indiqué aujourd'hui dans un communiqué qu'aucune autre raffinerie du groupe en France que celle de Dunkerque n'est concernée par un projet de fermeture. Un peu plus tôt, le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, a contacté le PDG de Total, Christophe de Margerie, au sujet de la grève dans les raffineries. Il lui a demandé de rassurer très rapidement les salariés. Il a rappelé la position du gouvernement, réaffirmant qu'il était hors de question en l'état de fermer la raffinerie des Flandres, ni évidemment d'en fermer aucune autre en France. Il s'est dit très sensible à l'inquiétude des salariés. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont assuré avoir le contrôle de la situation et ont annoncé la création prochaine d'un conseil consultatif pour travailler à l'avenir du pays. Et le porte-parole du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie affirme que le président déchu, Mamadou Tandja, est dans de très bonnes conditions et régulièrement suivi par son médecin. Inutile d'espérer voir le cri d'Edvard Munch dans l'exposition que lui consacre la Pinacothèque de Paris. Non seulement le fameux tableau n'y est pas, mais qui plus est, le propos de cette exposition consiste précisément à faire découvrir le peintre sous un autre jour. Exposition qui s'intitule Edvard Munch ou l'Anticri. Vous écoutez Radio Classique, il est 19h passé de 2 minutes et vous retrouvez Olivier Bellamy. 18h, 19h30, Passion Classique. Avec Olivier Bellamy. Voilà, je vous voyais, Ludovic Tézier, écouter sur Edvard Munch. Vous êtes, je sais que vous avez une voix, tout le monde le sait, mais ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que vous avez un œil aussi. Vous avez toujours un appareil photo de deux yeux, deux yeux en bandoulière. Enfin, pour l'appareil photo, on en a besoin qu'un. Oui. Hein? Oui, tout à fait. C'est une passion. Ah oui, oui, oui, complètement. Et finalement aussi, quasiment aussi ancienne que la passion de la musique et du chant. Je me souviens pas quand est-ce que j'ai eu mon premier appareil photo, une petite Instamatic Kodak, mais je devais peut-être avoir 6 ou 7 ans. Et depuis je collectionne les images. Voilà. Côté un peu compulsif et j'adore la photo. La photo des autres, en particulier les miennes, sont mes photos, avec ma technique, avec ce que je peux faire, mais j'ai beaucoup de bouquins de photos, enfin c'est quelque chose. Et finalement, l'instrument me fascine aussi, cette espèce de petite... surtout si on revient aux essences de la photo, là j'ai le bonheur d'acquérir un petit Leica 3A, ah ouais. Qui doit dater 1936, et quand on voit la simplicité de cette machine... Et l'efficacité, parce que je prends des photos avec encore en noir et blanc, c'est extraordinaire ce qu'on arrive à sortir de cette machine-là. Donc je trouve ça assez génial de pouvoir captiver un instant comme ça. Donc vous faites vos tirages vous-même ou Non, j'ai pas le temps. Numérique, Aujourd'hui, je suis passé quasiment à 90%, pour ne pas dire 100% numérique, tout simplement parce que pour trouver aujourd'hui des labos qui font du développement correct, c'est extrêmement difficile. Il existe encore, mais les prix sont vraiment prohibitifs. Je veux dire, à un moment donné, ça devient vraiment très très cher. Et le numérique, c'est l'avenir. Il faut avancer avec son temps. Mais je dois dire que lorsque je confronte des épreuves numériques avec, pour revenir à ce petit Leica des années 30, il y a encore quelques progrès à faire en matière de texture, de vie finalement. Donc, c'est bien. Alors voilà quelqu'un aussi qui est passé à l'ère du numérique, Herbert von Karajan. Oui. Hein, c'est même le kangourou de du digital. Oui. Et on raconte que c'est même lui, hein, qui a pratiquement décidé ou convaincu une boîte, je ne me souviens plus qui c'était à l'époque, c'était peut-être Sony qui a inventé le disque laser, le CD. En conjointement avec Philips, oui. Ouais, Philips, c'est ça. Qui ont défini en fait le standard PCM qu'il y a sur les CD. Ouais. Ouais. Il a beaucoup travaillé en tous les cas en collaboration avec eux. Voilà. Et vous avez choisi le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven. extraordinaire deuxième mouvement de la 7e symphonie de Ludwig van Beethoven, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Alors pourquoi Ludovic Tézier, cette intégrale mythique des années 60 et pas la dernière qu'il ait faite, puisque Karajan lui avait l'impression de toujours se perfectionner, de toujours aller... Non, je pense que de toute façon, on est... Karajan a pu atteindre une certaine perfection, mais différenciée à chaque âge. Moi, j'aime beaucoup cette intégrale-là. Je la trouve extrêmement équilibrée quant au tempi, au phrasé d'orchestre. La prise de son est excellente en plus, donc on peut vraiment en bénéficier complètement. Je trouve vraiment qu'il a atteint un équilibre, à mon sens, presque parfait, des nuances, de la dramatisation de certains passages. Il n'y a rien qui est hypertrophié, tout est maîtrisé absolument. Et c'est vrai que c'est encore un orchestre à l'époque, Berlin, qui bénéficie de la touche extraordinaire de son prédécesseur, Furtwängler. Et ça s'entend. Et finalement, c'était un petit miracle d'avoir eu cette combinaison à ce moment-là et d'avoir pu enregistrer avec cette technologie-là, déjà très avancée finalement, cette version-là, avec ces musiciens-là. On parle souvent des chefs, et Karajan est extraordinaire. Mais lorsqu'on entend la qualité de chaque pupitre, c'est phénoménal. Et c'est quand même finalement grâce aux musiciens, aux pupitres de violon, les altis, les violoncelles, les cuivres, l'harmonie, que finalement Karajan a matière à réaliser ce rêve, cette vision extraordinaire qui a donné cet enregistrement. C'est valable aussi lorsque je me souviens du très récent Werther à l'Opéra de Paris. Il y avait des textures en fausse qui étaient complètement extraordinaires, vraiment phénoménales. C'était du beau avec un grand B. Les plaçons y étaient pour énormément et l'orchestre y était pour plus qu'énormément. Et je crois que Michel, s'il écoute, en sera d'accord. Il a eu, grâce à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, durant ses Werther, une palette de sonorités extraordinaire qui lui a permis d'exprimer la musicalité et la musique qu'il a depuis toujours dans la tête. Et ça a donné de très grands moments. Pour un chanteur, quand il entend, à un moment donné, vous êtes sur scène, vous avez votre grand air et vous entendez une clarinette qui est extraordinaire, le type qui fait pas son métier, qui fait pas simplement sa phrase, mais qui met tout son cœur, tout, comme si sa vie en dépendait dans ce tout petit solo de deux mesures de clarinette. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous galvanise? Est-ce que vous changez vous-même aussi les couleurs? Bien sûr. Et une soirée d'opéra se fait, finalement, pour moi, pour schématiser, il y a quatre vraiment données très importantes. Il faut évidemment un bon plateau vocal, il faut une bonne mise en scène, il faut un orchestre qui est impliqué par rapport à ce plateau vocal, par rapport à cette mise en scène. Donc, évidemment, un chef qui arrive à réunir tout ça. Et il faut un public en forme, j'allais dire aussi, qui, par sa qualité d'écoute, je ne dirais pas par les applaudissements, ça peut attendre la fin. Mais réellement par la qualité d'écoute, par le regard qu'on perçoit, même puisque les premiers rangs sont totalement visibles lorsqu'on est sur scène. Est-ce que ça se sent, ça, quand le public est actif? Bien sûr. Oui, bien sûr. Et forcément, ça engage, même de manière quasiment inconsciente, à donner plus, à donner mieux, à voyager plus profondément dans les choses qu'on a à donner, à les offrir encore mieux à ce public. Il y a une réelle osmose. On a souvent tendance à voir une salle d'opéra comme une scène, une fosse et la partie publique, mais on est dans le même bâtiment, presque au sens navire. Et donc on vogue tous vers le même but, atteindre à quelque chose de... Même si ça ne dure que 5 minutes sur une soirée, à quelque chose qui transporte tout le monde, nous compris. Comment, Ludovic Tézier, est-ce qu'on construit des couleurs? On va vous entendre dans quelques instants, je sais que vous avez horreur de ça. Oui. Mais on va quand même rendre service aux auditeurs qui ont très envie de vous écouter, donc vous boucherez les oreilles. Mais comment est-ce qu'on construit des couleurs? C'est-à-dire, il y a le personnage, on pense au personnage, mais est-ce que les couleurs viennent toutes seules ou est-ce que, comme le photographe que vous êtes, tiens, voilà, un petit peu de bleu, là, un petit peu de vert, un contraste, est-ce que ça se prépare, ça se construit ou ça vient naturellement? je crois que chacun a sa méthode en la matière. La mienne serait plutôt de travailler et retravailler. Et peu à peu, les choses, parce que les mots ont un sens, parce que la musique renforce ou influence le sens des mots qu'on a à chanter, tout ceci se met en place, les couleurs viennent. Je crois que lorsque vous avez la chance de pouvoir faire, par exemple, du lied allemand ou de la mélodie française, il faut être en parfaite adéquation avec ce qui se dit, et c'est le fait de polir et repolir une mélodie qui fait qu'on se l'approprie et que finalement on finit par oublier même qu'on a pu la lire un jour au début au travers de notes et sur une partition. Les mots doivent sortir de soi-même et pas du cerveau. C'est tout le corps qui chante. Ça n'est pas que la tête ou une partie de la tête. Donc finalement, se dire de manière un peu artificielle, tiens, là, ce serait intéressant de faire un son filet ou un piano ou là un forte ou attaquer verticalement. Ça peut parfois renforcer ce qu'on voudrait dire. Donc ça n'est pas inintéressant. Il y a des artifices qui ne sont pas artificiels à la fin. Mais je pense qu'il est encore mieux, lorsqu'on a défini, par exemple, de faire tel forte à tel endroit ou tel effet à tel autre, il est encore mieux, à un moment donné, de se les approprier, j'allais dire, sentimentalement, de s'y attacher et de vouloir les défendre, de vouloir les donner avec plénitude et avec émotion. Et là, on obtient une balance qui est juste par rapport à quelque chose qui est très sérieusement travaillé, j'allais dire de manière quasiment artisanale, et quelque chose qui est de l'ordre de la vie, quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, et qui donne le mouvement à toute cette architecture. Donc je pense qu'il faut pas se perdre simplement en note intellectuelle dans une partition. Il faut vraiment digérer la chose et la rendre avec quelque chose de viscéral. Felice ancor io son, se abbracciar ti possio, io ti salvai. Quon viene qui dirci, quon viene qui dirci addio, o mio Carlo, per me giunto il dì supremo, non hai più ci rivedrem, ci congiunga il Dio nel ciel, e che premia i suoi fedeli. Per te. Don Carlo, hein, selon la version française ou la version italienne de Verdi, ici Ludovic Tézier. Verdi, c'est un grand compositeur pour l'amour, mais l'amitié n'est pas un thème si souvent traité chez lui, et Don Carlo, c'est vraiment l'opéra de l'amitié dans toute sa profondeur. Ça l'est en même temps traité finalement, Don Carlo évidemment, la relation entre Don Carlo et le Marquis de Posa, oui. Mais aussi dans le bal masqué, l'amitié oui. trahie, oui. Oui. Mais c'est quand même encore une histoire d'amitié. Je trouve extraordinaire d'avoir écrit là-dessus finalement, c'est peut-être encore beaucoup plus difficile de composer sur l'amitié que sur l'amour. Ça va peut-être moins de soi finalement, de trouver une inspiration et une justesse... sans que ça devienne exagéré, finalement, parce que l'amitié, c'est aussi, pour très souvent, tous les cas dans les moments forts, l'art de la nuance. Et cet air est extrêmement beau, il est extrêmement symbolique de ce que peut être une amitié extrêmement forte, mais qui n'implique pas de passion, sinon on vira... Tendre aussi, il y a de la tendresse. Extrêmement tendre, bien sûr. J'aime mes amis, que ce soit des femmes ou des hommes, je n'ai pas honte de le dire, j'aime mes amis profondément. La différence est une nuance de passion, une nuance d'implication quant à ce qu'on veut faire de sa vie. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire à avoir des relations d'amitié avec des gens qui vous la rendent et qui en valent évidemment la peine. Est-ce que pour vous, Ludovic Tézier, l'amitié peut être aussi profonde que l'amour ? Ah oui, c'est simplement pas comparable. Ça évolue sur deux plans différents, j'allais dire, mais bien sûr, une amitié, c'est... c'est extraordinaire de retrouver un ami qu'on n'a pas vu, et ce qui m'arrive souvent, puisque je suis souvent bien sûr en déplacement, mais de retrouver un ami important pour soi après quelques mois, c'est une joie, on se fait une joie de le retrouver. Et on a l'impression comme c'était hier. Oui, ah oui, vraiment. Je veux dire, les atomes restent imbriqués les uns dans les autres, il y a une fluidité de la relation, une évidence de la relation qui est là dès le moment des retrouvailles. Et c'est exactement ce que dit Verdi aussi dans cet air. Comment vous faites, Ludovic Tézier, pour garder cette ligne, cette interprétation, cette intériorité, sans avoir envie de pleurer? C'est parce que c'est tellement beau que... Est-ce que quelquefois vous n'êtes pas submergé par... On doit être un petit peu schizophrène, peut-être. Je sais pas, peut-être qu'il faut l'être, en fait. Et je crois vraiment que pour interpréter quelque chose d'extrêmement triste... il faut avoir une sauvegarde de bonheur quelque part en soi. Sinon, effectivement, on ne chante plus, on pleure, on s'effondre. C'est vrai dans la mort de Posa, c'est vrai dans la mort de Werther, que j'ai eu la chance d'interpréter en baryton. C'est finalement, pour ne parler que de ces deux passages-là, si j'étais dans la salle, je serais effondré. Mais là, je n'ai pas le droit. Donc, il faut quand même on peut pas être à ce niveau-là de souffrance dans sa vie et chanter et interpréter ce genre de moment. Il faut être heureux dans sa vie par ailleurs, je crois. Ah oui. Ah, il vaut mieux, ouais, parce que sinon, je pense que ce sont des univers assez morbides finalement, ou comme Hamlet par exemple, qui peuvent vous tirer vers le bas, oui, parce que ça prend beaucoup de nous-mêmes. Et c'est peut-être pour ça que c'est beau aussi, mais ça prend beaucoup de nous-mêmes, donc je pense qu'il faut avoir une réserve de bonheur, il faut avoir des amis, il faut avoir des amours, il faut avoir des enfants magnifiques, qui au sortir de ce genre d'épreuve, parce que c'est une réelle épreuve, physique, mais aussi mentale et sentimentale, que de donner ce genre de choses-là, avec tous les risques aussi que ça implique, je crois qu'il faut avoir un bel entourage et des gens qui vous aiment sincèrement, pour pouvoir continuer à donner ce genre de moments, et d'entre ces gens qui vous aiment, le public est pas le moindre. Oui. Lorsque vous avez ces gens qui vous remercient à la fin de les avoir fait pleurer, ça peut paraître un petit peu curieux vu de l'extérieur, mais c'est drôlement beau. Ça aide. Justement, Ludovic Tézier, on va peut-être finir là-dessus. C'est Lucie de Bourges qui vous dit merci pour le magnifique et bouleversant Werther donné à la Bastille en janvier. Et là, vous étiez Albert, hein, vous n'étiez oui, pas... Absolument, voilà. Oui, absolument. Ouais. Mais c'est très très gentil. C'est... En plus, Albert n'est pas un rôle très facile à défendre. C'est de la très belle musique aussi, mais je crois qu'on a participé tous autant qu'on était à une production superbe. Ah oui, magnifique. Ouais. Merci Ludovic Tézier. Merci à vous. Un grand merci aussi aux auditeurs qui vous ont laissé leur message. Merci aussi à notre réalisateur, Yann Levray. Et ce soir à minuit, vous pourrez écouter la rediffusion de Passion Classique avec Ludovic Tézier, qui est encore sur la scène de l'Opéra Bastille dans Don Carlo de Giuseppe Verdi. Tout de suite, vous retrouvez Laure Maison pour vos soirées classiques. Et lundi, nous serons avec l'altiste Antoine Tamestit. Bonne soirée à tous sur Radio Classique. La formation professionnelle avec AGFOS PME, racontée par des chefs d'entreprise. Christine, chef d'entreprise dans le Sud. AGFOS PME finance les projets formation de ma PME. Et ça marche. Rémi, DRH dans le Centre. La formation développe vraiment les compétences de mes salariés. Laurent, dirigeant d'une TPE dans l'Est. Dans ma branche pro, on fait tous confiance à AGFOS PME pour simplifier la formation. AGFOS PME, votre conseiller emploi formation professionnelle partout en France. AGFOS-PME.com